verre à brim dans le silence. Tu rappelles ton alliance ancienne. Tu changes son nom, tu changes son avenir. Et tu graves une promesse certaine. Abraham devient Abraham, père d'une multitude en ton plan. Sarah devient Sarah, et l'impossible entre dans le présent. Quand tu parles, l'identité change. Tu dresses ton alliance en moi. Tu écris ton nom sur mon avenir. Ce que je croyais figé dans la chair, tu le fais renaître sans finir. Tu dresses ton alliance en moi. Sans limite, sans condition humaine. Car ce que tu promets aujourd'hui traverse le temps et les domaines. Ton alliance ne faiblit jamais.